Après-midi sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le Rwanda. La nouvelle ne s'est répandue que ce matin à Kigali. De l'attentat. Accusant les coupables tout désignés. À l'opération. Vive l'armée française, vive l'intervention française. La radio gouvernementale ne cesse de répéter depuis hier ce slogan. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité. La France était prête sans attendre l'arrivée de la force des Nations Unies. Le régime qui massacre aujourd'hui a été aidé, soutenu, armé par la France. La MINUA avait été réduite à peau de chagrin au tout début du génocide. Les massacres des civils se poursuivent. Sous le nez des forces françaises qui étaient là précisément pour sécuriser. Les pays qui, un par un, avaient promis d'envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds? Les gens qui avaient besoin d'être sauvés, on se posait pas la question où tout, on prend qui, on prend quoi. Nous avons entendu ces jours derniers à ce même micro la journaliste Laure de Vulpian nous préciser la nature et quelques-unes des révélations de son enquête intitulée « Silence turquoise » relative à l'opération militaire française réalisée au Rwanda au printemps 1994. Cet ouvrage a été écrit en compagnie d'un militaire, Thierry Prégnaud, ancien du GIGN, qui a participé lui aussi à cette opération. Une opération qui aura propulsé les soldats dans des zones dans lesquelles ils découvriront de leurs propres yeux les innombrables charniers du génocide des Tutsis. Aux côtés de Thierry, un autre soldat. Appelons-le Philippe. Je peux vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio télévision suisse, s'il vous plaît. Donc Philippe, j'ai participé à l'opération turquoise en 94 dans le détachement des forces spéciales. C'est là que j'ai rencontré Thierry. Donc j'ai passé 2 mois au Rwanda à cette époque-là. Et par la suite, après, j'ai continué à avoir des relations amicales avec Thierry. Et c'est par son intermédiaire que j'ai rencontré Laure pour apporter un complément de témoignage au livre. Vous avez déjà parlé à la radio? Jamais. On va commencer par dire merci alors. Dans le désordre, parce que les questions évidemment se bousculent dans ma tête. J'ai plutôt envie de vous laisser le manche. Qu'est-ce que vous aimeriez commencer par dire, puisque les médias ne vous ont encore, mais peut-être est-ce vous qui n'avez pas souhaité jusque-là, ils ne vous ont pas ouvert la porte, ou c'est peut-être vous qui avez refusé, mais par quoi commenceriez-vous, Philippe? Disons que par rapport aux médias, l'occasion ne s'était pas présentée, et puis c'était pas dans mon optique d'aller plus en avant que le témoignage que j'ai pu apporter alors. On va dire que c'est l'occasion qui a fait le larron, puisque Thierry m'a appelé un jour pour m'exposer le projet de livre avec Laure, pour compléter son témoignage, pour apporter mes souvenirs. À cette première proposition, vous avez réfléchi ou réagi vite? J'ai réfléchi et réagi vite les deux en même temps, puisque bon, avec Thierry, on est donc amis depuis 94. J'ai une pleine confiance en lui. À partir du moment où il m'a dit que ça posait pas de problème, que c'était clair entre guillemets, donc j'ai accepté d'apporter compléter son témoignage à lui. Je veux dire par là que vous pouviez aussi ne pas avoir envie tout simplement de parler. Mais je me suis pas posé la question en ces termes. Mmh. C'était, comme je le disais, c'est Thierry m'a demandé si j'acceptais de compléter son témoignage. Ce que j'ai fait, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais à l'encontre de quoi que ce soit, ni quoi, ni qu'est-ce, par rapport au Rwanda ou autre. J'y suis allé, j'ai rencontré Thierry chez lui, on a reçu Laure le lendemain, on est allé la chercher à la gare et on a commencé à parler tout simplement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez parler librement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes lié par un devoir de réserve? Et quelle est la marge de manœuvre que nous pouvons avoir dans notre discussion? Autrement dit, je vais vous poser la question, vous répondrez comme vous pouvez, mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Il n'y a rien que je ne puisse pas dire, dans le sens où il n'y a rien qui ne soit déjà dit dans le témoignage qu'on a apporté alors. Le but était de faire le déroulé de l'entrée au Rwanda jusqu'à la fin de l'opération turquoise. Ça a été fait avec nos diverses expériences, après notamment l'épisode particulier de Bicécéro. Après, sur des aspects dont je n'aurais pas le droit de parler sur la mission, il n'y a pas de... rien. Moi, j'ai apporté mon témoignage plein et entier, et pas de souci de ce côté-là. Alors Bicicero, c'est évidemment l'un des cœurs de cette énorme enquête de Laure de Vulpian et de votre ami Thierry. Si je vous demande de la raconter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, comment ça se raconte, quelque chose comme ça? Bicicero, donc le 30 juin 94. Donc on part le matin pour une reconnaissance qui devait aller après Bicicero. Il devait y avoir une distribution de biscuits vitaminés pour les enfants, pour les personnes le nécessitant. Et pour aller à l'essentiel, on se trouve confronté à un survivant, un Tutsi. C'était le premier qu'on voyait vraiment en direct, qui se cachait un peu. Ça s'est fait un peu à l'écart, la discussion. Tout de suite repéré comme étant Tutsi, ou il faut un peu de temps? On voyait bien qu'il était, entre guillemets, différent des gens que l'on côtoyait depuis l'entrée au Rwanda, donc depuis une semaine. Et puis il était apeuré, il était en retrait des gens avec qui on était en train de mettre en place la distribution de biscuits. J'entends bien, mais apeuré veut tout de suite dire Tutsi? Non, apeuré veut pas dire Tutsi, on ne réagissait pas comme ça. On ne réagissait pas comme ça. Il y avait une situation militaire dont je vous ai parlé précédemment, une situation humanitaire. Le but était de porter assistance aux populations en danger. Et il n'y avait pas de Tutsi ou de Hutu mis derrière population en danger. Donc on rencontre ce vieux monsieur, apeuré, mais par rapport aux gens avec qui on était en train de mettre en place la distribution de biscuits. Et puis il nous explique que c'est pas ici qu'il faut être, c'est plus bas, que si, que ça, tac, tac, tac, tac. Puis il y avait une maison qui était détruite juste un petit peu plus loin, qui venait de cramer. Et puis ben, il nous fait bien comprendre qu'il faut aller plus bas, et puis là on se trompe de secteur. Quoi. Là ! Qu'est-ce qui fait que dans une situation comme ça, on croit la personne ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Mais on y va, quoi. Voilà. On y va, donc on rend compte au chef de patrouille, qui nous fait comprendre que c'était pas la mission. On arrive quand même à forcer un peu la décision et on redescend à, on devait être 4 ou 5 véhicules sur le secteur indiqué par le monsieur. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous euphémisez. C'est-à-dire? Vous passez effectivement rapidement comme une sorte de chose évidente de pouvoir dire à votre gradé... On aimerait bien aller par là, l'autre qui vous dit c'est pas la mission. Il peut y avoir parfois une certaine forme de raideur militaire quand on vous dit c'est pas votre mission, ça veut vraiment dire circuler, il n'y a rien à voir. Que vous arriviez à obtenir un avis contraire de la part de votre supérieur hiérarchique suppose quand même qu'il y a un moment un peu de tension dans l'endroit de cette discussion, ou c'est moi qui ai beaucoup d'imagination? Il y a eu de la tension, il y a eu une discussion d'hommes, je veux dire. Oui, quand je dis affémiser, je suis pas loin. Donc. Donc le temps que se faisait la distribution et que soit fait ce qui était prévu là sur l'emplacement où on était, on pouvait pousser une recours sur la zone. Une reconnaissance sur la zone et puis revenir. Sauf qu'on n'est jamais revenu. On descend, donc on était de mémoire 4 ou 5 véhicules, donc on était une quinzaine ou une vingtaine de personnes, je me souviens plus exactement. Et là, tout commence. Donc il y avait un jeune qui nous avait accompagné également. On sort des véhicules et on commence à progresser un peu sur la colline qui allait en pente douce. Et on commence à trouver des cadavres. Jusqu'à présent, c'était fait rare. Rare non pas qu'on les cherchait, mais on arrivait sur une situation militaire et humanitaire. Et pour l'instant, on s'en est rendu compte ce jour-là. On avait été confronté à plein de faux-semblants avec les gens qu'on rencontrait dans les villages qu'on traversait. Et dans l'ensemble, très peu de cadavres. Très peu de cadavres, puisque dissimulés. Il y a Thierry, lui, qui avait mis à jour une fosse quelques jours avant. Mais là, Bicicero, on arrive sur la colline. On commence à trouver des cadavres de vieilles femmes, d'enfants, de femmes et d'hommes. Chronologiquement. Ceux qui couraient le moins vite jusqu'à ceux qui couraient le plus vite. En fait, c'était ça. Et c'est la colline où ils étaient pourchassés par les Interahamwe. Et ils les tuent au fur et à mesure, quoi. Coup de machette, coup de fusil ou coup de grenade, enfin. Et là, on est sur cette colline et on est au milieu de tout ça. Quand je dis au milieu de tout ça, on est au milieu, quoi. C'est pas un cadavre par-ci, par-là. Et là, c'est autre chose. Là, on est dedans. On y est. Donc, on revient, on rend compte. Le reste du détachement va redescendre. On amène le patron sur la colline, on l'amène plus en avant. Moi, je n'étais pas descendu, mais Thierry était allé jusqu'à un petit ravin où tous les cadavres étaient entassés en contrebas. Et commencent à arriver les survivants. Les survivants. Et là, on fait ce que tout le monde ferait, et on fait ce surtout pourquoi on était gazant, c'est-à-dire qu'on prend en charge. Et ça commence à arriver. Et 1, et 10, et 20, et on s'est retrouvé avec... En fin de journée, je sais pas combien il y en avait, mais on devait avoir 400 ou 500 personnes qui étaient à nos côtés, quoi. Plus ou moins gravement blessés, dans un état catastrophique. Il y a des gens qui pouvaient pas se déplacer jusqu'à nous, qu'on allait chercher avec les camions. Moi, j'ai le souvenir d'une vieille dame, on savait pas comment la prendre, la porter pour la mettre dans le camion. On avait peur qu'elle se disloque, quoi, et tellement elle était une mort vivante, quoi. Les plus gravement atteints, les plus gravement touchés, on allait les récupérer. On a fait des distributions de biscuits, des biscuits qu'on n'avait pas distribués au point précédent. Et on a attaqué les évacuations sanitaires avec les hélicos. Évidemment, quantité de questions se bousculent dans ma tête à cet endroit de votre récit. Donc je vous l'ai dit dans le désordre. Comment sont-ils, eux? Ils sont comme vous nous les avez décrits, mais ma question porte sur leur attitude par rapport à ce qu'ils vivent. Face à vous, qu'est-ce qu'ils expriment? Rien. Pas de douleur, pas de... rien. Ils sont vivants. On est là, on les aide, à ce moment-là. Est-ce que c'est à peine compréhensible, ça? Ce jour du 30 juin, on se pose pas de questions. Ouais, bien sûr. Du moment où on met le pied sur la colline et on découvre les premiers cadavres, jusqu'au lendemain, quand on quitte la zone, une fois que les légionnaires sont venus prendre notre place, on se pose pas de questions. On fait. On fait. L'action prime. Oui, l'action prime. La situation est là. Ces gens sont là. C'est eux les vrais héros de Bicécéro. Hein. Il n'y a pas de questions à se poser. On fait tout ce qu'on peut tant qu'il y a à le faire. Tant qu'il y a à le faire, ça a fini la nuit tombée. Bon, c'est la nuit tombe très vite en Afrique, mais on a dû tout terminer. C'était, je sais pas, c'était 22 heures. Ils étaient déjà regroupés, donc on les a sécurisés pour la nuit. Ils avaient déjà rallumé les petits feux, fait ce qu'ils pouvaient se faire à manger avec le peu qu'ils avaient, et ils ont chanté, ils ont dansé pour nous. Ou pour eux. Parce qu'ils étaient vivants. Parce que pour eux, ça y est, c'était... Le cauchemar s'est terminé. Le cauchemar des poursuites par les gens qui les massacraient. Alors peut-être qu'il faudrait que je pose ma question d'une autre manière. A posteriori, quand vous dites, vous repensez à leur état, mm-hmm. ou leur expression, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Oh, du respect. Mais c'est vertigineux d'être... C'est hallucinant de voir les gens, ces gens-là, dans, pour certains, l'état dans lequel ils étaient, et de les voir vivants, ou survivants. C'est hallucinant. Donc on se pose pas de questions. Voilà. Nous, on compte pas à ce moment-là, c'est eux. Philippe, vous disiez une mission parmi tant d'autres, mais cette... Je sais pas si c'est cette première image des premiers cadavres, ou plus exactement la succession, comme vous nous l'avez indiqué, chronologique des cadavres. Est-ce que ça, en tant qu'homme, en tant que soldat, c'est quelque chose que vous aviez eu, d'une manière ou d'une autre, l'occasion de voir de vos propres yeux avant ce jour-là? De cette ampleur-là, non. Non. Non, ça reste unique. C'est, heureusement que ça reste unique. Ça n'avait jamais eu lieu, ça n'a plus eu lieu, il y a eu cette mission. Et il y a eu ce jour du 30 juin. Mais c'est pas quelque chose qui me revient toutes les nuits. Hein. Malgré, après être replongé dedans pour la rédaction du livre, c'est en moi, j'ai fait la mission, mais je me pose pas des questions tous les jours, savoir si je vais mal ou pas bien, ou si ou ça par rapport à ce que j'y ai fait, ce que j'y ai vu. Ça reste, c'est normal. Mais ça va. On les appelle les Interahamwe, sorte de milices hutus extrémistes, jeunes, souvent très jeunes, bien armés, ou simplement équipés de machettes. Ce sont eux qui sont responsables de la plupart des massacres commis dans ce pays depuis le 6 avril. Dégaine de Rambo, même les soldats les craignent. Parfois, ils font la guerre, mais leur proie favorite reste les réfugiés. Des exécutions effectuées dans des conditions atroces, et les rares qui arrivent à leur échapper sont marqués pour la vie des coups de leur machette. Les réfugiés voient arriver trois de leurs chasseurs. Trois miliciens arrêtés par les Français alors qu'ils tentaient de s'introduire dans le camp la nuit dernière. Ces trois hommes voulaient tuer une fois de plus. Ils sont pris en charge, menottés, poussés jusqu'à l'hélicoptère qui les emmène vers une destination inconnue. Il est difficile quand on pose des questions de ne pas risquer de glisser dans l'obscénité et la pornographie, donc n'hésitez pas à me corriger. J'ai pas encore compris si ça prenait du temps de massacrer quelqu'un avec des armes comme celles qui sont utilisées. Parfois j'ai l'impression que c'est extrêmement rapide par le nombre, en l'espace-temps. Et puis d'autres moments j'ai l'impression que c'est quelque chose qui malgré tout est pas aussi rapide qu'évidemment l'arme automatique. Je veux dire par là, pour compléter ma question, qu'est-ce que peut-être vous arrivez à imaginer du temps qu'il a fallu pour arriver à ce que vous avez vu? Le temps du massacre, il est, à votre avis, de celui que vous avez sous les yeux, ce ne sont pas des corps transportés, ce sont des corps qui sont tombés sur place et qui n'ont pas bougé, hein, on est d'accord. Donc, comment on peut arriver, si toutefois vous pouvez, si toutefois ma question sert à quelque chose, qu'est-ce qu'il faut comme temps, qu'est-ce qu'il faut comme homme pour produire quelque chose comme ce que vous avez eu sous les yeux? Déjà, quand ils montaient au travail, comme ils disaient, ils étaient nombreux, armés de gourdins, de machettes, de gourdins avec des clous, etc., etc. Après, il faut pas longtemps pour tuer quelqu'un. Même avec une machette, ça peut aller très vite. Mais après, ça pouvait dépendre du nombre de survivants qu'ils trouvaient, combien ils étaient eux, mais... Les cadavres qu'on a vus à Bicécéro, il y en a qui avaient plusieurs jours, et il y en avait quelques-uns qui étaient de la veille. Donc en fait, c'était répétitif. Ils chassaient tous les jours, et puis tous ceux qu'ils trouvaient, il est massacré. Avec après, derrière, un malin plaisir à mettre en scène certains cadavres. On a vu des cadavres qui ont été coupés à chaque articulation, puis étirés comme ça sur 2,50 m. Mise en scène, donc. Là. Mise en scène, oui. On a vu une maman éventrée avec son petit coupé en deux posé sur son ventre. Donc non seulement il y avait les tueries, mais après il y avait, je ne sais pas quel plaisir morbide il trouvait à ça, mais donc on a vu des cadavres dans des positions inadéquates. Christophe Nyandoué est un fonctionnaire de la préfecture souvent mis en cause dans les massacres. Membre du parti de l'ancien président, il était responsable des milices, lui prétend ne rien connaître des tueries. Rien, je ne savais pas. Vous n'avez jamais réuni des Interahamwe pour participer à des opérations? Non, monsieur, c'est lui qui vous a dit ça, il vous a trompé, même devant le Dieu, il sera coupable de ces renseignements que vous avez. Vous n'avez... Devant le Dieu, je n'ai rien fait. Autre question, une fois encore, pardonnez-moi du désordre des questions, mais la vue de ce que ce vieil homme vous a amené à découvrir, et du coup le changement, la correction que ça vous fait faire dans votre cerveau sur qui sont les victimes et qui sont les coupables, en gros les gens, pour le moment à qui vous vous étiez adressé, étaient, pour le dire de manière courte, de fiefs et menteurs qui vous menaient en bateau sur de fausses pistes. Ma question porte sur l'effet de colère, je trouve pas d'autre mot, a posteriori, que l'on peut éprouver. Qu'est-ce que ce jour-là change pour vous sur le terrain? Ce jour-là, rien, parce que comme je vous le disais, on se pose pas la question. Le lendemain, on quitte Bicécéro, on change de secteur, on va plus en avant. Le lendemain de Bicécéro, on est... Là, je parle pour moi et Thierry, bien évidemment, mais c'est pareil pour tous les autres personnels du détachement. On n'est plus dupes de ce que nous disent les autorités qu'on peut rencontrer ou les gens qu'on peut rencontrer dans les villages. Après Bicécéro, on a continué à sauver des gens, récupérer des gens, c'est écrit dans le bouquin. Et on nous remet des petits papiers, on va récupérer les gens de nuit, on les met dans des caisses en bois pour pouvoir les ramener en toute discrétion jusqu'à notre cantonnement, pour après les années se faire soigner et être pris en charge dans des camps. Après, on sait quelle est la situation dans laquelle on évolue lors de nos reconnaissances. On voit les choses différemment. On se détache de ce qu'on peut nous dire au niveau des autorités locales que l'on rencontre, et on va surtout beaucoup plus en avant pour creuser les informations que l'on peut recueillir, pour pointer du doigt ce qui a pu se passer là ou là, récupérer des gens. On a récupéré, après Bicécéro, on a dû récupérer, je sais pas, encore une trentaine ou une quarantaine de personnes. Petit à petit, pendant les patrouilles, alors le soir, on allait les chercher. Des gens qui étaient cachés dans des bananeraies ou par des Hutus qui les avaient pris sous la protection, parce qu'il y a quand même eu des Hutus qui ont sécurisé quelques Tutsis. Et par leur intermédiaire, on a pu les récupérer. À leurs risques et périls. Ah, tout à fait. Ah. Tout à fait. Puisque les Hutus modérés ont également subi la vindicte. Mais je vous entends répondre avec précision, mais comme si l'affect ne devait pas rentrer en ligne de compte. Or, je peux imaginer que, comme tout humain, quand on a l'impression de s'être fait mener en bateau, trompé, il y a quand même quelque chose d'affectif qui tremble ou qui bouge à l'intérieur de soi. Vous savez, le défaut des médias, c'est aussi de regarder de ce côté-là. Non pas que l'auscultation vaille mieux que le récit froid, mais c'est aussi ce qui nous relie les uns et les autres humains, puisque nous sommes faits de cette pâte-là. Donc je reviens à ma question, pardonnez mon insistance. Quand vous avez le sentiment qu'on vous a roulé, et compte tenu en plus de ça qu'il y a ce que vous avez vu dans les yeux, c'est-à-dire que on n'est pas dans la petite affaire, est-ce que ça vous provoque quelque chose ou intelligemment et collectivement, tous vos efforts et vos énergies sont tournés vers la meilleure efficacité possible et vous ne vous encombrez pas de mauvais sentiments. Trompé et roulé par les gens qu'on rencontre depuis qu'on est sur le terrain. Pour la partie militaire, partie commandement, aucune question, mais pas de souci. Ces gens qui sont responsables des situations que l'on découvre, notamment Bicécéro, sont les mêmes qui, le 23 juin, quand les premières reconnaissances se font sur le territoire rwandais, nous acclament comme la 2e DB a été acclamée à la libération de Paris. Quoi. On arrive en sauveur. Et là, on rentre au Rwanda, on est les drapeaux français, ceci, cela. Heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est venu. Il était temps. On ressent un sentiment de fierté. Après le 30 juin, on va plutôt parler du 1er juillet, puisque là on quitte Bicécéro dans un autre secteur. Là oui, on se sent trompé, floué, ridiculisé, même par ces gens-là qui nous acclamaient une semaine avant. Ça nous fait prendre plus de recul par rapport aux gens que l'on rencontre. Mais quoi qu'il en soit, on a sauvé des Tutsis, récupéré des Tutsis, mais on ne se posait pas la question en termes d'ethnie. Les gens qui avaient besoin d'être sauvés, qu'on pouvait prendre en charge, sécuriser et amener dans des camps, on le faisait. On se posait pas la question Hutu, Tutsi, on prend qui, on prend quoi, non. Pour nous, la suite des événements, une fois qu'on a ouvert les yeux, on a continué à préserver les populations en danger. Il y avait quelques Hutus, il y avait beaucoup de Tutsis. Puisqu'on était dans une zone Hutu, donc forcément, c'était les Tutsis qui étaient traqués et abattus. Mais toutes les personnes qui étaient en danger immédiat, de mort, d'être massacrées ou autres, on les prenait sous notre responsabilité, on les sécurisait, sans problème. Vous avez répondu avec précision, mais vous n'avez pas en même temps répondu complètement à ma question. Est-ce qu'elle est finalement une question à côté de la plaque? Est-ce qu'on fait ça, une fois encore, est-ce qu'on éprouve quelque chose quand on a le sentiment d'avoir été trompé? La colère froide. Elle ne peut pas s'exprimer, cette colère. Elle peut pas s'exprimer. On va pas aller voir le burgmestre du prochain village que l'on doit traverser et puis... Faire ce qu'on aimerait faire. Pas faire ce qu'on aimerait faire, mais expliquer la vie. Alors qu'on sait très bien qu'il va nous faire les mêmes réponses que les gens qui nous les aient une semaine avant, et qui s'est passé la même chose dans son village que dans les autres villages qu'on a traversés la semaine avant, et qu'il y a eu aussi des massacres dans son village. Sauf qu'on était plus dupes de ce qui nous était annoncé, et on savait plus clairement quoi chercher et où le chercher. Vous restez combien de temps, jusqu'à quelle période au Rwanda ? 2 mois, 22 juin, 22 août. Est-ce que vous êtes retourné après au Rwanda ? Non. Est-ce que ça ne s'est pas présenté ou ça a été un choix ? Ça ne s'est pas clairement présenté. Ça serait présenté ? On a toujours un projet avec Laure et Thierry de retourner tous les trois là-bas et de refaire l'itinéraire qui a été le nôtre avec Thierry pendant les 3 premières semaines de l'opération. Un grand merci à Philippe pour ce témoignage. Grand merci également à Laure de Vulpian. Vous avez rendez-vous dimanche soir avec le documentaire d'Histoire vivante. Il est intitulé « Retour à Kigali » et signé Jean-Christophe Klotz. Parfois, une langue en apprend beaucoup sur l'histoire d'un pays. Au Rwanda, on se dit bonjour sous la forme d'une question. « Mwaramutse », cela veut dire « Vous n'êtes donc pas mort pendant la nuit ?» Au revoir se dit Murabeo, littéralement « Ne mourrez pas en mon absence. » Le crime d'Orado, je le crois, surpasse tous les autres. Par le nombre des victimes, par rapport à la population, par la sauvagerie et l'acharnement de leurs bourreaux, nous ne voulons pas que cela recommence. Juin 1994, François Mitterrand commémore les 40 ans du crime d'Oradour-sur-Glane, en souvenir de cette petite commune massacrée par les nazis. Les Oradour ne seront plus possibles. Tandis qu'il invoque le plus jamais ça, ça est en train de se passer, à 8000 km de là, au Rwanda. Dans le discours du président, pas une ligne sur le génocide des Tutsis. Au moment même où il prononçait ces paroles, je filmais ces images. Depuis maintenant 2 mois, ces gamins vivaient barricadés dans une paroisse de Kigali, la capitale du Rwanda, livrés aux tueurs des milices extrémistes Hutus et de l'armée rwandaise. J'accompagnais Bernard Kouchner, qui, devant l'indifférence de la communauté internationale, avait décidé de réagir. Allô ? Kouchner était en lien avec l'Élysée, tentant de convaincre François Mitterrand de la réalité du génocide. Oui ? Ah, Bruno, mon pote. Bon, où es-tu chez toi ? Bruno, c'était Bruno Delay, l'homme de l'Afrique et des affaires diplomatiques à l'Élysée. Ah, bah, je lui avais déjà dit, je l'ai eu, le président, hier. Bah, écoute, en gros, d'abord, c'est une situation que tu imagines. Les gens continuent d'être menacés et les gens continuent d'être tués, bien sûr. Et tu as, dans la ville, des milliers d'Anne Frank planqués partout. Sur place, les semaines passaient, au rythme effrayant des tueries. 20, 30 000 morts par jour, peut-être davantage. Kouchner n'a pas réussi à convaincre Mitterrand. Et le reste de la communauté internationale a continué à compter les morts. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsalen, Corinne Rocha, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.